Bienvenue tout le monde dans le podcast Tôt, Jean-Benoît Gagné, votre animateur, et on s'enligne pour une autre belle aventure avec mon acolyte, Luc Desormeaux. Salut Luc! Salut Jean-Benoît! Et c'est un plaisir de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Au menu, entre autres, salon d'auto de Shanghai qui a eu lieu. On va regarder un peu là, qu'est-ce qui a été présenté là-bas. Une autre mentalité, veux pas, c'est en Asie. Nous autres, on est en Amérique du Nord. C'est le fun de voir là, comment le marché de l'automobile est vu de leurs yeux là-bas. Et on commence ça tout de suite avec ta critique de la semaine, la Chevrolet Cruze 2014. Et là, ben, on y va dans le diesel. Oui, depuis assez longtemps, surtout au Canada, il n'y a pas beaucoup de modèles qui sont disponibles, bon, grand public pour le diesel. Il y a, bon... Il y a la Smart, mais on n'appelle pas ça nécessairement une voiture grand public. Ouais, il faut être petit, hein, c'est ça. Faut être petit, il ne faut pas vouloir être plus que deux. Donc, il y a Volkswagen qui a une offre assez grande, à peu près tous les modèles, sauf les convertibles, donc sauf la EOS, puis la Volkswagen Beetle convertible, ont des modèles qui incluent des moteurs diesel. On peut avoir des moteurs diesel dans tous leurs modèles. À part de ça, BMW en offre, Audi en offre, Mercedes en offre, mais là, on tombe dans les modèles plus haut de gamme. On est très européen, hein? Ouais, on est très européen. Ford, il n'y a rien à part des camions qui offrent du diesel. C'est la même chose chez Chrysler. Les Japonais, on n'en parle même pas. C'est inexistant. En Amérique du Nord, en Europe, Toyota et les autres compagnies offrent du diesel. En Amérique du Nord, il n'y en a pas. Et puis là, Chevrolet se décide, prend le taureau par les cornes et puis décide qu'ils vont nous offrir une Cruze diesel au Canada. C'est tout nouveau. La Cruze est disponible en Amérique du Nord, bon, depuis 2010 comme un modèle 2011, mais pour le modèle diesel, c'est vraiment tout nouveau, tout beau. Ça commence cette année pour 2014. C'est le fun parce que c'est une belle voiture en plus. Ils n'ont pas pogné un pichou pour y mettre du diesel dedans, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas une voiture qui sort du lot nécessairement. T'sais, c'est pas une voiture qu'on voit puis qui va nous faire tourner les têtes en disant, waouh. Peux-tu te conter un petit quelque chose? Ben vas-y donc. Dans le cadre de mon travail, ça m'arrive de faire des ce qu'on appelle des remote en anglais. En français, ça serait genre des reportages en direct. Mm-hmm. On s'en va dans un commerce, envoie des reportages, on fait des pubs en direct de chez le commerçant. Et c'est arrivé à quelques occasions, il y a 2 ou 3 mois, où est-ce que j'allais faire des semaines de reportage chez Chevrolet, dans un concessionnaire. Et je vais te le dire, là, la Cruze apparaît beaucoup mieux en personne qu'en photo. C'est une belle voiture. Oui, oui, c'est une très belle voiture. J'ai été étonné. Oui, c'est une voiture que j'ai toujours j'ai toujours trouvée belle, j'ai toujours aimé. C'est ça remplace quand même des voitures qui ont bon, pas nécessairement des réputations excellentes, mais des voitures qui ont quand même rendu de fiers services à Chevrolet. On parle de la Cavalier. Puis, bon, là, on recule assez loin. Là, mémorable Cavalier. Le mémorable Chevrolet Cavalier. J'en ai eu une, Cavalier. Et puis aussi, plus tard, c'est venu la Chevrolet Cobalt, qui a aussi disparu, justement. Le dernier modèle de Cobalt était des 2010. Après ça, la Cruze est arrivée comme modèle 2011. Donc, ça l'a remplacé, la Cobalt, puis la Cavalier. Donc, c'est des voitures qui sont... C'est la voiture qui est supposée se vendre en grande quantité. C'est le pain et le beurre d'un constructeur, ce genre de voiture-là, des berlines intermédiaires, des berlines compactes. C'est les voitures qui se vendent le plus puis qui rapportent aussi un peu d'argent puis qui permet de faire des voitures un peu plus niche aussi. Donc, quand on réussit à vendre ça. La Cruze qui fait très bien, c'est probablement la voiture qui se vend le plus chez Chevrolet présentement. Puis, on voit automatiquement pourquoi. Quand je magasinais pour ma Mazda 3, j'ai finalement été pour une Mazda 3 usagée, mais j'avais été voir des concessionnaires Chevrolet pour justement aller voir la Cruze, parce que je la trouvais belle. Je trouvais la finition intérieure intéressante. C'était bien fini. C'était beau. De l'extérieur, la voiture est belle. Ça m'intéressait. Finalement, bon, mon budget dans ce temps-là ne me permettait pas d'aller vers une voiture neuve. Je suis allé vers l'usager, mais c'était un de mes premiers choix parce que c'était vraiment un beau petit tout. Il y avait vraiment tout ce que j'avais besoin dans cette voiture-là. Donc, si on regarde de l'extérieur, comme je disais tantôt, c'est pas une voiture qui sort du lot, c'est pas une voiture qui tape à l'œil, une voiture qui a l'air vraiment tranquille, mais elle est hyper jolie. La calandre, là, si on regarde là devant la voiture, c'est pas trop imposant, c'est pas la première chose qu'on va remarquer, parce que un peu comme si on regarde les Lincoln chez la marque haut de gamme de chez Ford, où la calandre est vraiment criarde, là, puis on sait tout de suite quel genre de voiture que c'est. Tandis que chez Chevrolet, c'est un peu plus tranquille pour la calandre, c'est pas ce qui est tape à l'œil. Tout est bien intégré, c'est vraiment joli. La différence entre la Cruze, puis on parlait de la Cobalt, puis de la Cavalier, c'est l'absence de modèle deux portes. Il n'y a pas de modèle deux portes dans la Cruze. Il y avait des rumeurs à un moment donné d'une Cruze SS deux portes. Il y avait eu même j'imagine que c'était des dessins modifiés par des personnes qui espéraient beaucoup que ça arrive un jour. Mais ça a l'air vraiment réaliste. Ce que les gens peuvent faire avec Photoshop aujourd'hui, c'est assez incroyable. Oh, donc, on avait vraiment, on y croyait, on avait presque l'impression que c'était un modèle qui sortait des studios de design de chez Chevrolet, puis qu'on avait essayé d'en faire une, voir ce que ça donnait. Et ça donnait une voiture vraiment magnifique en deux portes. Pour ceux qui ne savent pas, les SS chez Chevrolet, il y avait la Cobalt SS, c'est un modèle turbo-compressé, c'est des petites bombes. C'est tout simplement des voitures de course pour la rue. C'est vraiment assez impressionnant. Bon, c'est un peu ce que la Golf GTI ou la Ford Focus ST ou la Ford Fiesta ST fait aujourd'hui. Mais c'était vraiment une voiture, une berline, ben pas une berline, c'est une coupée, mais avec un coffre et non pas une haillon. La plupart des voitures turbo-compressées aujourd'hui, sportives, c'est des voitures, ce qu'on appelle des hatchbacks, des voitures à haillons et non pas avec un coffre régulier. Donc, ça n'a pas vu le jour. Je ne sais pas si c'est dans les cartons chez Chevrolet à un moment donné. Peut-être pour la refonte. On annonce une refonte bientôt. Là, il y a un modèle qui a été présenté, je me semble, au Salon de l'Auto de Shanghai ou de New York, là, la refonte de la Cruze. C'est bien, mais ça n'a pas l'air de quelque chose de totalement refait. Ça a l'air d'une petite mise à jour là, pour les prochaines années jusqu'à la vraie refonte. Donc, la Cruze est très belle. Bon, de base, si vous allez chercher le modèle de base, là, on va passer la gamme Cruze. On va parler surtout de la diesel pour le comportement routier et ces choses-là. Mais si je vous parle de la gamme au complet, si on regarde la Cruze de base, ça vient avec des roues de 16 pouces, des roues en acier avec des enjoliveurs, communément appelés des caps de roues. C'est vraiment le modèle budget de la personne qui ne veut pas payer cher ou qui ne peut pas se permettre de payer cher, mais qui veut quand même avoir le confort puis l'espace d'une voiture de cette grosseur-là. Vous avez un modèle de base qui vient avec des roues bien, bien ordinaires. Sinon, vous pouvez aller un peu plus haut de gamme avec des jantes de 16 ou de 17 pouces. Puis il y a même des jantes de 18 pouces qui sont disponibles en option. Si vous voulez donner vraiment un look plus huppé, plus sport à votre voiture, vous pouvez quand même le faire. L'arrière est beau. Les feux arrière sont vraiment bien intégrés dans le coffre et tout ça. C'est une voiture, quand on fait le tour, là, c'est une voiture qui est vraiment belle. Si on regarde aussi le modèle de base, c'est des disques à l'avant pour les freins et des tambours à l'arrière. Dans les modèles bas de gamme, on retrouve encore des tambours à l'arrière. Des fois, souvent, c'est dans les petites voitures, mais la plupart des voitures maintenant ont des freins à disque aux quatre roues. Les tambours, c'est quand même un peu moins de maintenance et puis c'est plus long avant qu'on ait besoin de les remplacer que des freins à disque. Mais des freins à disque, ça freine un peu mieux. Donc, si on va dans un modèle plus haut de gamme, ben, on va avoir des freins à disque aux quatre roues. Le modèle turbo diesel que moi j'ai essayé avait des freins à disque aux quatre roues puis des jantes de 17 pouces, je me rappelle bien. Donc, il y a plusieurs modèles différents, plusieurs finitions différentes que vous pouvez avoir dans la Cruze. Je suis quasiment étonné que tu me parles de freins en tambour. Il me semble qu'on n'entend plus parler. C'était comme bien comme ça. Oui, mais ta Fiesta, pas des freins en tambour en arrière? Je pourrais pas te dire. Ouais, regarde, je pense. Ouais, je pense que Neil Peart fait un solo de drum quand tu breaks en arrière. Parce qu'il y a des tambours en anglais, on appelle ça des drums. Donc, c'est ça. Non, je pense que la Fiesta a justement des tambours en arrière. Mais c'est comme je disais, c'est populaire sur les modèles bas de gamme. Tu sais, les modèles d'entrée de gamme, les voitures qui sont pas nécessairement pesantes, souvent on va retrouver des tambours à l'arrière. Il y en a encore beaucoup des voitures d'entrée de gamme. Je pense Je vais m'avancer, je pense, la Nissan Versa de base a des tambours en arrière. Même, je pense même la Versa Note a des tambours en arrière. T'sais, pour les voitures, c'est les freins avant qui sont quand même le plus important parce que c'est eux qui ramassent tout le poids de la voiture quand on freine parce que le poids se déplace vers l'avant. Fait que c'est à l'avant que c'est important d'avoir des excellents freins pour vraiment ramasser le poids de la voiture puis freiner la voiture. En arrière, c'est sûr, ça va aider aussi à stabiliser, mais c'est en avant que c'est important. C'est pour ça qu'on s'en va avec les tambours en arrière. Si on recule loin, loin dans le passé, c'était des freins à tambour aux quatre roues qu'on avait. Hein? Fait que c'est ça. Fait que ça a quand même beaucoup progressé depuis certaines années. Si on regarde l'intérieur, la cruise, la finition intérieure, j'ai vraiment rien à dire. Même sur un modèle de base, la finition intérieure est très bien finie. Bon, de base, vous allez avoir des sièges en tissu dans la version que j'avais. Hey, t'as raison, frein à tambour à l'arrière sur C'est la ça, Fiesta. c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Comme je disais, les modèles d'entrée de gamme des constructeurs, souvent, c'est ça. C'est pour être capable d'offrir un modèle moins cher. C'était pas nécessairement un argument de vente dans mon cas. Non, non, mais c'est ça. De toute façon, toi, tu freines pas. Tu y vas au son. Fait que c'est pas un problème. Je connais assez bien mes parcours pour ne jamais toucher au frein. C'est ça. Je prévois l'avance, je lâche le gaz assez tôt, puis. Tu te sers du pare-choc des autres pour arrêter. Non, mais c'est ça, tambour en arrière, c'est comme je disais, c'est commun. Si on regarde l'intérieur de la Cruze, bon, finition très bien. Le modèle diesel que j'avais, parce que ça, je peux pas vous parler de la gamme complète, mais de base, vous allez avoir des sièges en tissu, c'est certain. Si vous allez dans des modèles un peu plus haut de gamme, vous allez avoir des sièges en cuir chauffant. C'est de série si vous montez en gamme dans la Cruze, comme une LTZ, qui est le modèle haut de gamme, vous allez avoir des sièges en cuir chauffant. Dans la version diesel, de base, les sièges sont en cuir et chauffants. C'est très bien. Le volant est ajustable hauteur télescopique. Ça, j'aime ça. Les commandes pour le système téléphonique, le système de son sont sur le volant. C'est très bien. Mon modèle diesel aussi avait le système de MyLink, qui est le système multimédia de Chevrolet avec le Bluetooth et tout ça. Je n'avais pas de navigation. Navigation est disponible en option. J'avais quand même la radio satellite, la radio, le CD, la possibilité d'écouter de la musique en flux continu avec mon iPod, mon iPad ou des choses comme ça, faire des appels téléphoniques main libre comme bon, la plupart des voitures aujourd'hui. Ça s'en vient de plus en plus par défaut dans toutes les voitures, le Bluetooth pour faire des appels main libre, clé USB pour les fichiers MP3, une prise auxiliaire et tout ça et tout ça. La version diesel aussi, l'habitacle est bien fini. Au lieu d'être des plastiques durs un peu partout, Chevrolet a décidé de partir dans la portière, fait que juste un petit peu au-dessus de l'accoudoir, partir avec une ligne de tissu un peu rembourrée, puis on s'en va dans le tableau de bord. On fait le tour complètement sur le tableau de bord, puis on retourne dans l'autre portière. Fait que ça fait vraiment une ligne tout le tour de l'habitacle qui est en tissu et non pas en plastique hyper dur. Oui, puis on vient faire une continuité avec la console centrale aussi. Les Ouais. lignes se rejoignent. Non, c'est vraiment très bien, là. C'est ça, Faites un bel ouvrage. c'est très bien. Puis voir du tissu dans un tableau de bord, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça fait différent de, tu sais, utiliser des différents plastiques. Des fois, on met un plastique un peu plus mou, mais tu sais, ça reste un plastique. Là, c'était du tissu. Je trouvais que c'était vraiment super joli. Puis la couleur ressortait juste un peu. Tu sais, c'était pas, on n'a pas décidé de mettre ça rouge. On a juste mis ça d'une couleur un peu différente. Fait que ça ressortait du noir des plastiques alentour. Fait que je trouvais ça que c'était vraiment bien. Puis ça donne un look un peu plus haut de gamme que avoir l'air d'un plastique bon marché. Bon, l'intérieur est spacieux, beaucoup d'espace pour la tête et les jambes en avant puis en arrière, c'était vraiment très bien. Le coffre, j'ai trouvé que le coffre était vraiment énorme. Peut-être parce que je vois pas tant de berlines que ça, là, mais je la comparais un peu à ma Mazda 3 qui a quand même un bon coffre. Puis le coffre est encore plus grand que celui dans ma Mazda. Quand j'ai ouvert le coffre, j'ai resté même surpris. Ils sont bien grands. T'sais, je pourrais facilement mettre deux, trois cadavres là-dedans. Il n'y aurait aucun problème. Être un mafioso, ça irait super bien. Dis pas ça trop fort. Ben non, on dit ça pour niaiser. Mais tu sais, mettre des valises pour aller en voyage ou des sacs d'épicerie, aucun problème, il en rentre en masse là-dedans. Puis les sièges peuvent se rabaisser 60-40 si vous voulez pour pouvoir avoir plus d'espace. Donc c'est parfait, il n'y a pas de problème. Côté motorisation, ben, il y a trois moteurs de disponibles pour la Cruze, il y a celui du modèle de base, qui est le modèle LT, qui est un 4 cylindres 1.8 litres produisant 138 chevaux, 125 livres-pieds de couple. Deuxième, dont, qui est équipé dans les modèles Eco, les modèles LT Turbo puis le modèle LTZ, c'est un 4 cylindres de 1.4 litres turbo compressé qui développe aussi 138 chevaux, mais lui, il a 148 livres-pieds de couple au lieu de 125 du moteur qui n'est pas turbo-compressé. Puis le dernier, qui est le moteur que j'avais dans le mien, qui est un 4 cylindres turbo-diesel propre. Hein, on a des filtres à particules pour empêcher que ça... T'sais, un diesel, il faut s'enlever de la tête les anciens diesels du temps. Là, moi, j'avais un ami qui avait un Jetta diesel dans le temps. Puis il partait de chez eux à 4 rues de chez nous, puis je la sentais. Là, c'était comme vraiment l'enfer. Les nouveaux diesels, c'est vraiment plus ça. À part le son ou à part si c'est marqué TDI ou diesel sur l'auto en avant, vous le saurez même pas que vous suivez une voiture diesel. Même donc, au son, c'est rendu... Oui, mais ça dépend quand puis ça dépend comment. Le moteur diesel a une sonorité différente d'un moteur à essence régulier, mais c'est beaucoup moins pire que c'était avant. Donc, c'est un diesel propre de 2 litres qui produit 151 chevaux et, comme tout bon moteur diesel, du couple à revendre, 264 livres-pieds de couple. Ça donne des accélérations instantanées et très merveilleuses. On a presque l'impression que c'est une petite voiture sport quand on décolle à cause du couple. C'est vraiment instantané. Mais ça donne un agrément de conduite qui est vraiment intéressant. Tous les modèles de la gamme peuvent être commandés avec, ça vient avec une transmission manuelle à 6 rapports de base. Transmission automatique à 6 rapports est disponible en option sur tous les modèles, sauf le diesel. Le diesel est seulement disponible avec la transmission automatique à 6 rapports, peut pas avoir la transmission manuelle sur le modèle turbo diesel. Mais c'est pas tellement grave. La transmission, moi j'avais justement l'automatique à 6 rapports, faisait un excellent travail. Même qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'on dirait que les vitesses changeaient pas. C'était tellement que c'était linéaire puis ça allait bien. J'avais presque l'impression que j'avais une transmission DSG de Volkswagen dedans par bout. Je me disais, peut-être que ils ont peut-être emprunté la transmission. Non, c'est une 6 vitesses vraiment très bien calibrée. C'était vraiment intéressant. Comportement routier. La Cruze est bien insonorisée. On n'entend pas trop les bruits extérieurs. Chevrolet a fait un bon travail là-dessus. Version diesel, un petit peu plus bruyante. On entend le moteur. On le sait qu'on est dans une voiture diesel, mais ça paraît surtout quand on va démarrer la voiture, puis vous allez vous en apercevoir vraiment plus par temps froid. Par temps froid, le moteur va claquer un peu plus. On va plus s'apercevoir que c'est un moteur diesel. Mais un coup qu'on est parti sur notre aire d'aller, là, un coup qu'on roule sur l'autoroute, puis que le moteur frappe une révolution normal, 2000, 2500 tours, 1500 tours, on n'entendra presque plus la différence entre le moteur standard et le moteur diesel. C'est vraiment silencieux dans l'habitacle, on est très confortable. La Cruze, c'est une voiture qui est extrêmement confortable. Plus confortable même que certaines voitures, peut-être même plus haut de gamme. Là. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la conduire. C'est une voiture qu'on pourrait conduire facilement pendant des centaines de kilomètres sans se sentir croche, puis d'avoir le goût de débarquer parce qu'on se fait brasser, c'est vraiment confortable. La suspension, j'ai trouvé peut-être un peu plus sèche que trop molle. C'est pas nécessairement mieux. Une suspension trop sèche, ça nous fait frapper les dents dans la bouche quand on pogne un dos down ou un nid de poule. Mais Dieu sait qu'au Québec, des nids de poule, il y en a à tonne. Mais voyons donc, on n'a pas ça. Mais tu sais, une suspension trop molle aussi, tu as l'impression de te faire brasser à pu finir. C'est pas nécessairement mieux. La Cruze est bien balancée, plus sèche que trop molle. J'ai trouvé que c'était hyper confortable. Donc, comportement routier, j'ai vraiment rien à dire sur la Cruze. C'est quasi parfait. Consommation d'essence. C'est là que c'est intéressant. Là. Chevrolet annonce des cotes de consommation de 7,5 litres au 100 km en ville, 4,2 litres au 100 km sur route, pour une moyenne combinée pour eux d'environ 6 litres au 100 km. Moi, et ça va être surprise, ma moyenne combinée pour une semaine qui est ville-route, comme je disais dans le dernier podcast, Un stationnement roulant. J'ai le temps en masse de voir les pancartes, les sorties, tout ça, puis lire tout ce qui est écrit partout dans les zones de travaux. J'ai eu exactement 6 litres au 100 km de moyenne. Donc, la même chose que Chevrolet annonce sur son site. Fait que puis je remarque ça, plus je fais d'essais, je garde toujours mes consommations moyennes à la fin de la semaine et tout ça. Je les compare toujours à ce que les constructeurs mettent sur leur site. Puis, je m'aperçois qu'on est de plus en plus proche. Il y avait un jeu, puis en Europe, c'est vraiment ahurissant, là. Il y a des voitures, vous regardez le site des constructeurs, c'est marqué « Ah, cette voiture fait 4,2 litres au 100 km. » Vous la roulez dans la vraie vie, vous êtes à 7,5 puis 8. Mais c'est homologué à 4,2 litres au 100 km sur le site du constructeur. Puis dans vraie vie, là, c'est impossible. À moins que vous passez la moitié de votre trajet sur une remorque, ça se fait pas. Mais il va y avoir quand même une dépense d'essence, mais pas comptabilisée, mettons. C'est ça. Mais tandis que ici, bon, tu sais, plus j'en essaie, plus que je compare mes moyennes avec la moyenne du constructeur, puis on est toujours proche. Fait que je trouve que c'est bien. Tu sais, puis cette semaine, je conduis une Mazda 5 2014, qui est une espèce de mini-caravane de Mazda. Et puis, même ma moyenne est dans la moyenne que Mazda annonce sur leur site. Fait que je suis agréablement surpris de voir qu'on n'essaye pas de nous vendre nécessairement des voitures en nous promettant des moyennes de consommation d'essence qui sont impossibles à atteindre. Mais je pense que c'est une belle évolution, c'est de se rendre compte que le client n'est pas niaiseux, là, il va aller s'informer ailleurs aussi, puis qu'il y a des essais, il y a des tests, puis que l'information va finir de toute façon par sortir. Fait que si tout le monde joue franc jeu, ben écoute, t'arrives à la même différence. Tu veux pas. Si tout le monde triche de 1 litre de moins, t'en reviens pas mal à la même différence entre chaque modèle. Fait que... Ouais, t'es plus gagnant de dire la vérité aux gens. De toute façon, à un moment donné, le monde va s'en apercevoir. Puis ça fait un peu ce que ça a fait avec Kia et Hyundai. Ça fait des recours collectifs, puis ça fait des pénalités. Puis ça fait que t'es obligé d'écrire un chèque aux gens qui ont acheté certains modèles de voitures dans certaines années parce que ce que t'annonçais puis ce qui était dans la vraie vie, c'était deux choses totalement différentes. Et ça l'a même coûté, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais ça a même coûté l'emploi du PDG de Hyundai aux États-Unis. Il y a juste un moment donné, il n'était plus là. Parce que on le sait, la mentalité asiatique au Japon puis en Corée, c'est un peu pareil. C'est l'honneur qui est la première chose. Puis en mentant à tes clients, c'est un peu un déshonneur. Fait que normalement, tu sais, on n'est plus dans la mode de se faire harakiri, là. On est dans le sens de ben tu perds ta job puis tu t'en vas travailler ailleurs. Donc ça a coûté son emploi à ce gars-là, cette espèce de jeu de cachette de consommation d'essence qu'ils ont fait. Je pense qu'il y a d'autres constructeurs qui ont appris de ça. Pas que tout le monde jouait le jeu, mais je pense qu'il y a d'autres constructeurs qui ont réalisé que c'était peut-être pas une partie qui pouvait gagner. Donc au final, ben la Cruze, moi, je l'ai vraiment aimé. C'est finalement une compétition à ce que Volkswagen peut offrir en tant que diesel sur le marché. C'est une voiture qui a totalement sa place dans cette bataille-là de la voiture diesel. C'est confortable. Il y a une Cruze pour à peu près tous les budgets. Allez faire un tour, allez l'essayer, vous allez voir. C'est une voiture qui est très belle. C'est une voiture qui est très confortable à rouler. Moi, je l'ai vraiment adoré. Puis c'est une voiture qui est fiable. Il y a une campagne de rappel dernièrement chez Chevrolet. Bon, ils vont régler tous les problèmes qu'il y avait à régler. Je me rappelle pas si la Cruze était là-dedans. Je suis pas certain que la Cruze était dans les rappels. Si oui, ça va être réglé. Puis si vous achetez une Cruze demain matin, ça sera plus un problème. Ça va être réglé même avant qu'elle soit vendue. Mais c'est une voiture qui est vraiment agréable. Elle a vraiment tout ce qu'on peut demander d'une voiture dans sa catégorie. Ça ne sera pas le premier choix du monde. Souvent, le monde va aller chez Toyota, va aller chez Honda, des choses comme ça. Cette voiture-là peut vous offrir autant pour un prix peut-être moindre parce que Chevrolet est vraiment agressif avec le prix de la Cruze. Il y a si vous magasinez un peu, là, si vous regardez, si vous attendez le bon temps, fin de mois ou des choses comme ça, fin d'année, puis des fois des spéciaux que Chevrolet fait, vous pouvez vous ramasser une Cruze pour un prix assez intéressant, quelque chose de pas trop dispendieux par mois. Oui, ça peut être intéressant d'y aller quand les nouvelles générations arrivent, les nouveaux modèles, souvent c'est là que ça se passe. Ça aussi, des fois, c'est juste un timing de t'sais, Chevrolet fait une promotion pour 0% d'intérêt ou des choses comme ça. Puis la Cruze est toujours offerte à un prix qui est quand même bien. Fait que si vous êtes sur le marché, allez l'essayer. Je ne vous dis pas que vous allez sortir avec cette voiture-là nécessairement. Vous allez peut-être encore être intéressé d'aller voir autre chose. Mais c'est une voiture qui vaut amplement le temps que ça prend pour faire un détour chez Chevrolet, aller l'essayer puis voir ce que ça donne. Moi, j'ai été agréablement surpris. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer puis je l'ai adoré. Fait que, allez voir ça. Ouais, non, ça vaut à peine. Rendez-vous au garage, allez l'essayer. Peut-être allez-vous tomber en amour. Ouais. En amour, peut-être que les visiteurs du salon de l'auto de Shanghai sont tombés en amour. Hein. Il y avait plusieurs bagnoles fort intéressantes. Entre autres, une Buick Regal GS Sedan modifiée. Ça a de la gueule, cette petite affaire-là. C'était beau. Ouais, je suis en train de regarder des images. Oui, c'est très joli, c'est très bien fini. Ça a de la gueule pour une voiture qui est, bon, entre gros guillemets, pépère. Là. Parce que Buick, ici, c'est connu comme une compagnie que ton grand... une voiture que ton grand-père achèterait, mettons. Ouais. Mais faut pas oublier que Buick est encore vivant aujourd'hui en majeure partie grâce au marché chinois. C'est une voiture qui a beaucoup de succès. C'est une compagnie qui a beaucoup de succès en Chine et c'est un peu pourquoi Chevrolet a sauvé cette marque-là quand ils se sont débarrassés de Pontiac, de Saturn, puis de Oldsmobile en 2009-2010, quand ça allait pas bien. Buick a survécu parce que c'était fort en Chine. Donc, très joli. Ça va-t-il être disponible ailleurs qu'en Chine? Peut-être à un moment donné. Mais le marché chinois, là, c'est le marché qui est en plein essor ces temps-ci. Donc, il y a beaucoup de voitures qui sont présentées là-bas. Il y a des compagnies qui font des voitures qui vont être seulement vendues en Chine dans les marchés émergents comme ça. Des voitures qu'on ne verra jamais apparaître ici. Il y a Nissan qui ont présenté un concept VWA qui a été présenté là. Il va probablement être vendu seulement en Chine, jamais ici. Il y a de l'air d'un Transformer, mais vraiment, il y a de l'air d'un robot, ce char-là. Oui, mais c'est pas laid. T'sais, quand on parle, c'est super beau. Quand on parle de que Nissan est en train de se refaire un peu puis de refaire leur gamme de voitures, c'est peut-être que la prochaine Versa pour avoir l'air un peu les lignes ou tu sais. Il y a quelque chose. Il y a moyen de travailler là-dessus. Là. Tu sais, je verrais ça comme une voiture électrique. Ça pourrait être magnifique aussi. Ça pourrait faire une belle petite voiture électrique. Mais oui, tu parles de Transformers. Oui, je verrais ça comme une voiture qui pourrait se transformer en robot. Le petit chien qui accompagne les robots. Là. Tu sais, leur animal de compagnie, ça pourrait être ça. Là. Ah, c'est ça. Tu sais, une voiture qui peut botter des fesses. Il y a aussi, Ford qui a présenté, ça va rappeler des souvenirs à des gens, l'Escorte. Qui fait revivre l'escorte en Chine comme une petite berline compacte. C'est joli, ça ressemble un peu à une Focus ou un modèle de Ford qu'on a ici. Le même genre de calandre, même style un peu. Mais c'est une voiture qui a de la gueule, c'est une voiture qui va être jolie. Encore là, ça sera probablement jamais vendu en Amérique du Nord, ça va rester en Chine et peut-être les marchés émergents alentour, l'Inde, des choses comme ça. Hey, c'est moi où c'est un salon qui avait beaucoup, beaucoup de concepts. Je regarde un peu là, qu'est-ce qui a été montré. Ouais. Puis on est très, très avant-gardiste. On est tourné vers le futur. Même, tu sais, la iBeetle là, de Volkswagen, on sent qu'il y a une volonté d'aller vers le futur avec cette voiture-là, même si c'est la New Beetle. Là, c'est un classique, là, mais tu sais, il y a comme un... Toujours la petite touche à venir, tu sais, il y a toujours la touche future dans le salon de Shanghai. Ouais, mais la iBeetle avait déjà été annoncée, si je me rappelle bien, c'était un concept qui avait déjà apparu en Europe. J'avais demandé à Volkswagen Canada s'il y avait des chances que ça vienne ici. Il y avait Alex Cornelier du podcast Mac Québec qui m'avait demandé « Hey, t'as-tu des contacts chez Volkswagen? Peux-tu leur demander si ça va arriver ici? » Puis je m'étais fait dire non par Volkswagen, que c'était pas dans les plans que ça s'en vienne au Canada. Mais depuis ce temps-là, Apple a annoncé CarPlay, qui va être un système bon intégré de pour le iPhone et tout ça dans des produits. Puis ça va être aussi chez Volkswagen. Donc, la iBeetle, c'est une voiture qui a été un peu designée selon les looks d'Apple, là, blanc et des choses comme ça. Mais c'est rien de révolutionnaire. C'est vraiment comme une version. Volkswagen avait des versions Fender de certaines voitures, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment rien qui va, Je sais bien, va mais briser des conventions. Là, c'est pour le look. Là. C'était juste pour démontrer comment est-ce que on allait vers le futur, parce que c'est très classique, là, mais il y a quand même une petite touche tournée vers l'avenir. Là. Oh, oui, mais la Chine est un marché aussi... très techno, hein? Mais très spécial aussi. Si on regarde même aujourd'hui, il y a eu une voiture qui a été présentée, puis c'est carrément... une copie, je dirais un plagiat. C'est une copie du Range Rover Evoque. C'est le Lanwin E32. C'est carrément... ils ont repris le design de Range Rover, le Land Rover Evoque, puis ils ont fait une camionnette avec ça. Au lieu de se vendre comme le... Si on regarde le Range Rover Evoque que j'avais conduit, c'était aux alentours de pas loin de 60 000. Mais eux autres vont vendre ça en argent américain, là, 19 200. Okay. Fait que c'est le look, c'est un petit moteur 4 cylindres qui va développer quoi, à peu près, je sais pas, même pas 200 chevaux. Ça va avoir un look intéressant, mais ça va... Mais... Ils essaient de faire des choses. Je veux dire, ils ont quand même des transmissions à 6 vitesses, des transmissions à 8 vitesses. Ils ont quand même des technologies intéressantes, mais ils n'ont aucun scrupule à voler carrément le design d'un autre. Puis il n'y a pas vraiment de loi de copyright en Chine. C'est flagrant. C'est vraiment incroyable le nombre. C'est des avantages, oui. Ouais, c'est le nombre de véhicules qui carrément, tout simplement, copié d'un véhicule existant. Il avait déjà copié un VUS de BMW, carrément, qui est en vente, qu'on peut acheter en Chine. Ça sort jamais de la Chine, parce qu'il n'y aurait juste pas le droit, mais en Chine, ça se vend. Puis, c'est un marché spécial. C'est un marché qui est tourné vers les nouvelles voitures. Tout le monde veut vendre leurs produits en Chine. Mais, c'est ça. C'est un marché spécial aussi. Ouais, non, un salon particulier. Si vous voulez voir des images, là, cherchez ça dans Google. Vous allez voir des bien beaux concepts par rapport au salon de Shanghai. Toujours intéressant de voir la vision asiatique du domaine de l'automobile. Un peu de concept, beaucoup de plagiat. Ouais. là-dessus, écoute, Luc, ça va être déjà la fin pour l'édition de cette semaine du podcast Auto. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut retrouver ton matériel sur le web. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, @Scalazormo. Il y a aussi mon Facebook. Si vous me faites un coucou, puis on s'est déjà parlé ailleurs, quelque chose comme ça, je peux vous ajouter dans ma liste d'amis. Ça dépend des journées, comment je file. C'est Luc Desormeaux. Et sinon, vous pouvez lire tous mes articles sur le monde de l'automobile sur le site de Kijiji, qui est à fr.kijijiblog.ca dans la section véhicules. Puis toi, JB. On fait un show ensemble, technologie, jeux vidéo, cinéma. Oubliez le premier, c'est pas vrai. Même si c'est dans le sous-titre du show. L'émission s'appelle Réalité Augmentée et on est là avec aussi Daniel Caracena. Vous pouvez me rejoindre moi personnellement sur mon compte à moi, personnel, sur Twitter, @gangg_b. Réalité Augmentée a aussi son compte @RealitéHog et sur Facebook, facebook.com. Réalité Hug, c'est aussi simple que ça pour pouvoir discuter avec nous. Et on vous invite à écouter notre podcast Réalité Augmentée. C'est toujours excellent. C'est vraiment très, très bon. C'est ce qui se fait de mieux, on va se le dire. Seigneur, c'est vrai. Petit beurre épais. Ah ouais, facile. Donc, là-dessus, ben, on vous remercie, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été de la partie. Et on se dit à une prochaine fois dans une autre édition du podcast Tôt. À la prochaine. Salut. Merci. Merci. Bye. Salut, là.